Alors voilà la suite, chapitre 1. Kala dormait profondément lorsque retentit la sonnerie de la porte d'entrée. Elle faisait encore un de ces rêves étranges, faits de sensations qui, au réveil, ne lui laissaient que des souvenirs de couleurs ou d'odeurs. Il n'y avait jamais d'histoire, elle grogna. Qui pouvait bien venir la voir sans s'annoncer, à l'aube? Cela devait être pour Bertha et celle-ci n'était pas là. L'esprit engourdi, Kala décida de ne pas répondre. De sa main, elle fit le geste d'entortiller ses longs cheveux foncés avant de réaliser qu'elle n'en avait coupé un bon tiers. Elle ne portait plus qu'une coiffure stylisée, agrémentée de deux mèches argentées sur les côtés. La veille, elle a eu 20 ans. Un anniversaire de plus qu'elle a passé seule. Plus seule encore que les précédents, car même Bertha, son unique amie, n'était pas là. Errant de bar en bar, elle avait décidé de s'offrir un peu de compagnie, plus pour flatter son égo que pour la distraction, mais ne s'était pas résolue à conclure, laissant sa conquête d'un soir suante et frustrée au beau milieu des préliminaires. Elle aurait pu appeler Mario. Il était jeune, bien fait et toujours disponible, mais il l'aimait un peu trop et Kala se satisfaisait amplement de leurs nuits épisodiques. Alors, devant le pathétique mini-gâteau d'anniversaire qu'elle s'était confectionné, en soufflant cette bougie trop grande pour la pâtisserie, Kala avait fait un bilan de sa jeune existence et conclu qu'il fallait à tout prix prendre un nouveau départ. Pour marquer le début de cette nouvelle histoire, elle avait décidé d'adopter un style moins sage et couper ses cheveux, en gageant que l'appétit viendrait en mangeant. Cela faisait 6 mois que la jeune femme travaillait comme serveuse dans ce bar branché de Basbana, sous cette identité d'emprunt censée la protéger des sbires de Louis, Ina O'Manil. Ce nom qu'elle n'avait pas choisi par hasard résonnait en elle comme une promesse. Il lui avait d'ailleurs porté chance puisque la pression semblait enfin être retombée et que ces derniers mois avaient été paisibles. Depuis qu'elle avait quitté l'internat, 11 ans après la disparition de ses parents dans ce stupide accident de montagne, la jeune fille n'avait enchaîné que des petits boulots sans avenir. La nouvelle de leur décès s'était abattue sur elle alors qu'elle terminait tranquillement sa semaine au collège de la Sainte Bonté, où elle était pensionnaire depuis qu'elle n'était pas plus haute que 3 pommes. Kala s'était efforcée de ne jamais en vouloir à ses parents de ce choix, mais parfois, dans le secret de son dortoir, son oreiller et Fifon le chiffon avaient recueilli ses larmes d'enfant. Fillette, elle était menue, maigrichonne, timide et avide de plaire. Les religieuses qui avaient pour consigne de ne pas trop s'attacher à leurs élèves ne la rassuraient jamais. Elle avait néanmoins fini par les considérer comme sa vraie famille, ses parents ne venant plus la voir à la longue qu'occasionnellement. Le jour du drame, elle n'était âgée que de 7 ans et n'avait pas la moindre parenté en dehors d'eux. Elle était en train de repeindre les barrières du jardin lorsque Mère Maurice, la supérieure et directrice de l'école, l'avait appelée dans son bureau, une petite pièce ronde et austère, au sommet d'une tour qui surplombait la promenade du cloître. C'est ainsi, debout dans ce lieu, les bras croisés dans le dos, qu'elle avait appris leur disparition. Un notaire chauve était présent et semblait plus ennuyé qu'attristé par la nouvelle. « Mon petit, lui avait dit Mère Maurice, Aldus Hack va désormais s'occuper de vous. Votre avenir lui a été confié. Il nous a assuré que vous pourriez sans difficulté terminer au moins cette année parmi nous. » Dans les faits, Kala avait pu achever sa scolarité jusqu'à son terme. La veille de la remise des diplômes, Mère Maurice l'avait à nouveau convoquée. Aldus Hack était présent une fois de plus. La vieille nonne avait invité Kala à s'asseoir d'un geste, un insigne honneur réservé aux hôtes de marque. Le notaire, chaque année plus boudiné, arborait un sourire forcé qui le rendait plus suspect que sympathique. Kala, qui le connaissait mieux pour l'avoir côtoyé régulièrement depuis plusieurs années, avait été aussitôt sur ses gardes. « Ma chère enfant, il est temps de parler de votre avenir. Maître Hack a eu la gentillesse d'y penser. Il a une proposition que je crois vous ne refuserez pas. » Le notaire s'était raclé la gorge et avait repoussé ses lunettes sur son nez. Il s'était approché de la jeune fille. Son haleine sentait le vieux fromage. « Un bienfaiteur a généreusement pourvu à votre éducation jusqu'à ce jour, mais vous êtes encore très jeune, et sans l'encadrement avisé des excellentes personnes avec lesquelles vous êtes aujourd'hui, il est à craindre que votre futur ne soit compromis. Une connaissance m'a parlé d'un homme d'affaires, père d'une fillette pas encore sortie de l'enfance. Il aurait besoin d'une gouvernante et d'une secrétaire particulière. Il sait que vous n'avez à ce jour aucune qualification pour occuper ce poste. » mais nous a assuré qu'il pourvoirait à votre formation. Kala n'avait pas vraiment réfléchi à ce qu'allait être sa vie, mais avait toujours pensé qu'elle poursuivrait ses apprentissages comme nombre de pensionnaires de l'école avant elle. « Je ne sais pas vraiment. J'envisage de continuer des études, peut-être de me présenter dans une école d'art. » Très petite, Kala s'était distinguée par la qualité de son trait, mais à la sainte bonté, ce talent était disqualifié. En cette fin de parcours, elle caressait plus ou moins le projet de se présenter à l'un des concours d'entrée de l'école des beaux-arts de Metel. L'homme de loi s'était empourpré avant de lui jeter un regard profondément contrarié. « Ma chère, je crains que vous n'ayez pas ce choix. Comment comptez-vous payer ces écoles réputées où vous ambitionnez d'aller ?» La mère supérieure, à qui ce futur employeur avait promis une belle récompense, avait saisi le bras de Kala avec juste un peu trop de dureté. « Vous n'allez pas faire votre mauvaise tête, n'est-ce pas? L'occasion qui vous est offerte est belle. Saisissez-la, ne nous faites pas honte. » Kala, les signaux en alerte, avait trouvé que quelque chose ne tournait décidément pas rond dans cette proposition. Tout en elle lui criait de ne pas l'accepter. Elle s'était tournée vers Aldus Hack. « Aldus, à combien se monte le solde de mon héritage ?» L'homme en sueur s'était montré évasif, lui expliquant qu'il n'y avait pas de montant précis, que tout était réparti dans une sorte de fondation dont elle n'avait pas à connaître les détails, mais qu'il était autorisé à lui donner une certaine somme par mois, à condition qu'elle trouve un emploi convenable. « Je crois que dans ce cas, je préfère me débrouiller et trouver un travail par mes propres moyens. » La jeune fille avait arboré une expression butée qui contrastait avec le sage uniforme beige et gris dont elle était vêtue. La mère supérieure, au comble de la frustration, n'avait même plus essayé de faire bonne figure. Elle s'était mise à vociférer en la traitant d'ingrate et de parasite de la société. Le notaire, embarrassé, avait senti la situation lui échapper et intimé à la religieuse l'ordre de se taire. D'un ton volontairement mielleux, il avait remis la conversation sur un plan moins émotionnel. « Cher enfant, il n'est pas nécessaire de vous décider maintenant. » Prenez le temps d'y penser. Je suis sûre que la personne dont je vous ai parlé sera d'accord d'attendre un peu. Nous nous reverrons dans les jours qui viennent. » La conversation s'était arrêtée là et chacun était retourné à ses occupations. Tandis que Kala réfléchissait à la tournure récente des événements, Aldus Hack rencontrait l'émissaire de ce mystérieux bienfaiteur, un homme mince et sec, extrêmement déterminé, dans un café des faubourgs. « Monsieur, j'ai relayé votre offre à Kala Valette. Mais celle-ci ne semble pas emballée à cette idée. Il va nous falloir trouver une incitation plus radicale, j'en ai peur. Je vous ai donné une somme plus que coquette pour la convaincre. Je vous laisse carte blanche sur les moyens, mais vous avez intérêt à faire en sorte qu'elle accepte. Vous pourrez aussi dire à la grenouille de bénitier que si elle compte effectivement améliorer son ordinaire, elle doit se montrer débrouillarde et irrésistible. Je lui transmettrai le message, monsieur, mais vous devez garantir ma sécurité, car je ne suis pas sûre que mon premier mandant me pardonnera lorsqu'il réalisera ma trahison. Si tout se passe normalement et selon le plan, alors vous n'aurez aucun souci à vous faire. Il ne pourra pas vous atteindre. » Aldus Hack s'était levé et avait hélé un taxi. Quelques jours plus tard, il retrouva Kala dans le café où il la rencontrait tous les 25 du mois pour lui remettre sa pension mensuelle. Profitant des quelques instants d'absence de l'homme de loi qui s'était éloigné pour répondre à un appel, Kala fouilla sa serviette et entrevit que la fondation dont elle était apparemment bénéficiaire s'appelait Ina Sedna Akisha O'Manil. Elle ne comprit pas du tout quel pouvait être le lien entre elle, Kala Brigitte Valette, et cette fondation au nom exotique. Lors de la rencontre suivante, qui fut aussi la dernière, Kala confirma à Aldus Hack qu'elle n'allait pas accepter l'offre et envisageait plutôt de voyager. Le notaire fut interloqué par sa persévérance. « Kala, les conditions de la fondation sont strictes. Si vous n'occupez pas un emploi digne, je ne puis plus vous allouer votre pension mensuelle. » La jeune fille, convaincue qu'elle avait raison, ne fut pas prête à la plus petite concession. Du haut de ses presque 19 ans, elle tint tête à l'homme de Blois. « Je suppose alors que je vais devoir gagner ma vie. Qui est donc, ou qu'est donc ?» Ina Sedna Akisha O'Manil, Aldus. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, ma chère, cela ne me dit rien. Allons, je sais que vous me cachez quelque chose. J'ai bien vu ce nom dans vos papiers. Pourquoi ne rien me dire ? Le notaire était resté silencieux quelques instants avant d'inspirer bruyamment. Fouiller dans les papiers de quelqu'un est très impoli, Kala Valette. Se mêler de ce qui ne vous regarde pas aussi. Aldus Hack était très pâle. Je n'ai rien de plus à ajouter que ce que je vous ai dit. Et si je ne me hâte pas, eh bien je vais rater mon autobus. Je suppose que tant que vous n'aurez pas changé d'avis, nous n'avons plus de raison de nous revoir. » L'homme avait recoiffé son chapeau et serré sa serviette contre lui comme si elle était soudain devenue transparente. Il quitta le café sans un regard pour la jeune fille. Le plus urgent pour Kala était de trouver un logement et de quoi se payer un loyer. Par chance, un studio était à louer dans les combles d'un vieil immeuble plein de charme du centre-ville et en moins de 2 heures, elle s'était entendue avec le propriétaire, un vieux professeur à la retraite. Il avait été d'accord d'attendre quelques jours pour être payé. Kala avait encore quelques économies, mais il lui fallait rapidement trouver un emploi. La gérante de la bibliothèque avec laquelle il lui arrivait de bavarder se plaignait souvent d'avoir trop de travail et lui avait confié qu'elle cherchait de l'aide. C'est donc vers celle-ci qu'elle se dirigea en premier. Mais à sa grande déception, la femme avait changé d'avis et n'était plus sûre d'avoir les moyens de s'offrir une employée. À la piscine municipale, où un panneau en vue depuis des semaines recherchait une caissière, il lui fut répondu que la place venait d'être repourvue. Finalement, c'est au pub irlandais, où elle avait déjà donné un coup de main, qu'elle trouva un emploi temporaire en remplacement de la serveuse, victime d'une très forte bronchite. En rentrant aux aurores, fourbue, Kala avait croisé son propriétaire, à qui elle avait remis aussitôt une partie du montant de son loyer, lui promettant la suite pour la fin de la journée. L'homme avait évité son regard en lui disant qu'il ne pourrait finalement pas lui louer cet appartement à compter du mois suivant. Il lui demanda de chercher autre chose. Le sort était décidément peu clément avec elle. Elle frappa à toutes les portes, s'inscrivit sur toutes les listes et chercha tous les emplois possibles sans succès. Rien ne marchait comme elle voulait. Et alors que la fin du mois approchait, une sourde angoisse la saisit, à raison, car elle se retrouva bel et bien du jour au lendemain à la rue, sans solution et sans argent. Le peu de liquide qu'elle avait conservé dans une poche de veste avait fondu comme neige au soleil. Kala aux abois avait alors appelé Aldus, mais le notaire n'avait pas daigné lui parler, lui faisant dire par une vague employée que, sauf à accepter la proposition, il ne pouvait rien faire pour elle.